Chapitre 8. Comment Roland s'y prit pour démolir Saragosse. Si depuis quelques chapitres je ne vous ai pas parlé de Roland, n'allez pas en conclure, mes enfants, qu'il ne se distingua pas pendant la guerre d'Espagne. Il fut toujours au premier rang, jugez-en d'ailleurs. Après 3 mois de vaines attaques, Saragosse était debout, aussi forte qu'au premier jour. Les catapultes et les balistes s'étaient brisées avant de faire au rempart la moindre gerçure. Les assauts avaient tous été repoussés, et les assaillants, déchiquetés à coups de damas et de lances, roulaient du haut des remparts dans les fossés ou disparaissaient dans les matières enflammées. La poix avait tellement bavé sur les murs qu'elle avait fini par les revêtir d'une cuirasse résigneuse, bien autrement impénétrable que si elle eût été d'acier. Roland perdit patience. « Préparez tout pour l'assaut, » dit-il à Charlemagne. « Dans 1 heure, la brèche sera faite. » Et il descendit dans les fossés, n'ayant pour toute arme offensive et défensive que Durandal et son bouclier. « Où donc va votre neveu, sire ?» dit Turpin à l'empereur en suivant Roland des yeux. « Est-il fou, là, de la vie ?»« Je ne sais ce qu'il va faire, mais il m'a engagé à tout préparer pour l'attaque, m'annonçant qu'avant 1 heure, la brèche serait ouverte. »« Il le fera comme il l'a dit, sire, et ma foi, je lui en sais gré, car nous commençons à moisir ici. » Charles monta à cheval et prit ses dispositions de combat. Les sentinelles qui veillaient sur le haut des remparts firent à peine attention à ce chevalier isolé qui s'approchait de la ville. Mais, entendant un grand bruit, elles se penchèrent et virent Roland qui, du pommeau de Durandal, frappait le mur à coups redoublés. Les Sarrasins se mirent à rire et se demandèrent ce que voulait ce fou. « Si nous l'assommions, » dit un des mécréants en s'apprêtant à rouler un quartier de rocher sur le bord du parapet. « À quoi bon ? » reprit un autre. « Est-il donc bien à craindre ? Et ne seriez-vous pas aise de savoir ce qu'il vient faire ici ?» La curiosité est la plus mauvaise des conseillères. Les sentinelles se découvrirent pour mieux voir et 4 flèches les atteignirent en plein visage. C'était l'heure de la leçon de tir des pages de Charlemagne. Voilà qui risque fort de faire loucher ces fils d'enfer, dit Mitaine en choisissant une nouvelle flèche. Roland, étranger à tout ce qui se passait autour de lui, continuait sa besogne de destruction. Le mur commençait déjà à sourire et le preux, satisfait, en faisait autant. Cependant, ce martèlement formidable excita la curiosité des assiégés, et quelques soldats, voyant de loin les sentinelles immobiles couchées sur les créneaux, voulurent savoir ce qui captivait ainsi leur attention. Ils se penchèrent à leur tour et reçurent chacun une flèche dans l'oreille. « Que dites-vous de ces pendants d'oreilles ? » dit Mitaine en riant. « Vit-on jamais bijoux plus fins ? Saint Éloi l'orfèvre n'eût pas mieux fait. » Pendant ce temps, Roland redoublait d'ardeur. Une crevasse de 30 coudées de long commençait à rendre la place dangereuse. Marsille, qui passait par là, sentit la terre frissonner sous ses pieds. Chaque coup du pommeau de Durandal faisait maintenant trembler le quartier. « Ah, ça !» dit le roi de Saragosse. « Ces maudits ont donc placé de nouvelles machines de guerre. Pourquoi ne m'en a-t-on pas prévenu ? Allez, ébréchin, et revenez en hâte me dire ce qui se passe. » La terre continuait à trembler et quelques maisons commençaient à perdre l'équilibre. « Ce n'est pas une baliste ordinaire qui manœuvre là, » reprit Marsille. « Aucune de celles en usage ne frappe d'aussi rudes coups. » En effet, le roi avait à peine terminé sa phrase qu'une mosquée s'écroula à 100 pas de lui. Puis un bruit plus formidable encore le glaça d'épouvante. La brèche était faite. Roland avait tenu parole.